Nous applaudîmes au discours. Mon père me souleva par-dessous les aisselles afin que je puisse embrasser la mariée. Et, la cavalcade une fois repartie, le notaire nous prit avec lui. D'après ce que raconta le notaire, l'aîné des Siffrains faisait un beau mariage. Aussi, de même que Siffrain avait eu permission d'expertiser à son loisir les biens représentant la dot, de même le beau-père, avant que de rien signer, tenait à vérifier de ses yeux et sur place la valeur réelle du moulin qui, après cession faite par le vieux meunier, constituerait l'apport de Siffrain. Gravement, d'ailleurs, avec politesse et comme il convient à des gens qui ne veulent ni tromper ni être trompés. Ces détails, s'il faut le dire, m'ennuyaient un peu et la route me parut longue. Par bonheur, aussitôt arrivé, on voulut avant tout visiter le moulin, principal héros de la fête, et dès lors, tout devint charmant. Il semblait vraiment que le moulin se rendît ce jour-là compte de son importance. Jamais la grand-roue, aux mousses couleur d'émeraude, n'avait fait jaillir de meilleur cœur le bouquet de ses perles d'eau. Jamais, dans un tic-tac plus régulier, ne s'étaient envolés nuages de plus odorante farine. Tout en tenant l'œil à la meule, le vieux meunier, rajeuni pour la circonstance, célébrait, non sans éloquence, les mérites de son moulin. « De moulins comme celui-là, il n'y en a plus, ou il n'y en a guère. »